Vandalisme, là, c'est criminel, ça. Or, dans le texte du Journal de Québec, les autorités de la ville, réaction, c'est que des enquêtes. On va checker ça. Là, on va enquêter. On va peut-être leur envoyer la facture. Si moi, je barbouille les camions de pompiers ou de policiers, vont-ils se contenter de dire qu'ils vont enquêter et m'envoyer la facture ou ils vont me passer mes notes? Maître Rénald Baudry est avocat. On le rejoint à l'instant. Maître Baudry, bon matin. Bonjour. Le fait de s'en prendre, pour moi, là, un camion de pompier ou de police, on va prendre les deux parce qu'on a vu les deux. Là. Pour moi, c'est un bien public. Si à matin, je m'en vais porter des autocollants au parc Victoria, à Centrale, puis je mets ça là-dessus, j'ai l'impression que je serai arrêté. Est-ce un crime ou pas? Ben, la définition du méfait privé au code criminel, là, c'est quiconque détruit ou détériore un bien, le rend le bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace, empêche ou interrompt l'emploi de ce bien-là. Alors, tout est dans la notion de détruire ou de détériorer un bien. C'est sûr que si on met un autocollant qui est genre post-it puis qui s'enlève tout seul, je verrais mal un procureur de la poursuite déposer une plainte là-dessus. Mais dans le cas où on tire de la peinture, ou ça va prendre un nettoyage, ou ça va prendre une autre couche de peinture, clairement, c'est un méfait et c'est privé au code criminel. Bon, alors sur la notion de méfait, c'est clair, je ne vous ostine pas, c'est ça. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas une nuisance publique? Parce que moi, je demeure convaincu, Maître Baudry, puis là, matin, moi, je ne veux pas le faire, là, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent le faire. Mettons qu'il y en a un qui, je reprends mon exemple, il veut se faire de la pub pour une de ses entreprises, ou encore, un citoyen qui est pour la loi 3, moi, je suis pour, je me fais imprimer un sticker pour la loi 3, respect des cols rouges, si je me présente dans le stationnement de police puis je mets ça sur leur char de police, ils vont trouver de quoi dans la loi pour m'arrêter, selon moi? Bien, comme je vous dis, là, tout est la notion de détériorer le bien ou de le rendre inutilisable. S'ils prétendent, eux autres, qu'ils peuvent pas, par exemple, ils pourraient prétendre qu'ils peuvent pas se promener dans la rue avec un véhicule sur lequel il y a des stickers parce que ils ont une image à projeter comme policier. Ça pourrait peut-être entrer dans la notion de méfait, mais ça serait encore étirer la sauce. Mais on a vu des fois des accusations qui sont portées contre des citoyens qui ne tiennent pas la route, mais c'est quand même emmerdant pour le citoyen qui est accusé. Ouais. Donc, mais est-ce que si jamais quelqu'un le fait, ça va être quoi leur réaction selon vous? Admettons, parce qu'il y en a vraiment un qui m'a écrit, qui m'a parlé hier, plus. Là, un matin, j'en ai reçu un cas et je répète, ne faites pas ça. Moi, je l'encourage pas, je suis contre, je suis pas en faveur. Mais là, c'est sûr, moi, j'y ai pensé, il y en a qui vont avoir ça dans la tête. On va en mettre des collants, nous autres aussi. Là, si la police les arrête, ça les place dans une situation où ils n'auront pas le choix d'arrêter leurs propres collègues.